Vouloir cerner l'œuvre d'Albert Camus d'un trait précis et dessiner le profil du chemin où il s'était engagé me paraît hasardeux, puisque le voyage fut interrompu brutalement en pleine courbe. Souvenez-vous, quand Camus fut tué dans un accident d'auto près de Montereau le 4 janvier 1960, il n'avait atteint sa 46e année que depuis moins de 2 mois. Et il semble bien que lui-même ne pouvait pressentir exactement le terme vers lequel il s'acheminait. Albert Camus n'aimait pas que l'on parle de son honnêteté. Mais quel terme employer quand on pense à ses crises de conscience, à ses scrupules, à son refus de s'engager aveuglément? Je crois qu'on ne peut comprendre la ligne de conduite de sa pensée sans tenir compte de l'importance d'une sensibilité inquiète et que les événements se sont bien chargés de tourmenter. Je crois qu'il est intéressant et utile de jeter un regard sur le déroulement de la vie de l'écrivain. Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovie, en Algérie. Son père, un ouvrier caviste, fut tué à la guerre de 14, dès la première année, je crois. Grâce à une bourse, Albert Camus put entrer au lycée et obtint son baccalauréat en 1930, l'année même où il eut à subir les premières atteintes de la tuberculose. C'est d'ailleurs pour des raisons de santé qu'il ne put se présenter à l'agrégation de philosophie en 1937. Et quand lui-même paraissait sorti de cette sorte d'ennui, il eut à se tourmenter pour la santé de sa femme et de ses enfants, au point qu'en 1954, il avoua avoir pour cette raison cessé d'écrire pendant 6 mois. Passons sur ses démêlés avec le Parti communiste, auquel il avait, dans l'enthousiasme, tout d'abord adhéré à l'âge de 20 ans, ses polémiques avec la presse de gauche, sa rencontre en 1944, puis sa brouille en 1952 avec Sartre. Et il faut bien encore parler d'honnêteté morale quand on pense à quel point Camus se refusait à toute hypocrisie, fût-ce celle du silence. Mais la tragédie de sa vie fut le drame algérien. Dès 1939, il avait, dans le journal Alger Républicain, dénoncé les injustices dont souffraient les musulmans. Mais dès les débuts de l'insurrection, il en condamnait le but, l'indépendance nationale. Il était à la fois contre une Algérie dont seraient exclus les Français et contre l'Algérie française voulue par les ultras. Il condamnait à la fois le terrorisme et la répression aveugle. Pieds noirs dans l'âme, il fut honni par ses compatriotes et en souffrit beaucoup. Cela se passait en 1956. En 1957, il recevait le prix Nobel de littérature pour l'ensemble d'une œuvre mettant en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience humaine. Il paraissait bien jeune pour un tel honneur, et pourtant il était bien près d'atteindre le bout de sa route humaine. Albert Camus s'est, dès sa jeunesse, intéressé au théâtre, et pas seulement en qualité d'auteur. En 1936, il fonde à Alger le Théâtre du Travail et joue avec la troupe de Radio Alger. Et il n'abandonne pas cette voie, puisqu'en 1953, il fera une mise en scène au Festival d'Angers et participera encore au Festival de 1957, l'année de son prix Nobel. En tant qu'auteur dramatique, si la production de Camus, œuvres originales ou adaptations, ne fut pas régulière et systématique, elle n'a pas cessé tout au long de sa vie du malentendu au possédé. Sans parler de sa première pièce écrite en 1936, « Révolte dans les Asturies », qui fut interdite par la censure. Les Justes furent créés en 1949 au Théâtre Héberteau, une année où l'état de santé de Camus s'était aggravé, ce qui donne plus de poids à certaines préoccupations métaphysiques. Mais n'oublions pas qu'il avait obtenu son diplôme d'études supérieures avec le sujet « Métaphysique chrétienne et néoplatonicisme », ce qui indique un certain sens de la pensée générale de l'auteur. Et en contrepartie, n'oublions pas que Camus mûrissait longtemps ses pièces. Caligula, qui fut créé en 1945, il l'avait entrepris en 1938. Et il avait entrepris l'adaptation des Possédés de Dostoïevski, qui ne fut joué qu'en 1959, dès 1952. En préface au Juste, et pour situer la pièce, Écoutez quelques lignes écrites par Camus lui-même. Le raisonnement moderne, comme on dit, consiste à trancher. Puisque vous ne voulez pas être des bourreaux, vous êtes des enfants de cœur, et inversement. Ce raisonnement ne figure rien d'autre qu'une bassesse. Kaliaïev, Dora et leurs camarades réfutent cette bassesse par-dessus 50 années et nous disent qu'au contraire, il y a une justice morte et une justice vivante et que la justice meurt dès l'instant où elle devient un confort, où elle cesse d'être une brûlure et un effort sur soi-même. J'ajouterai que sur la scène de la salle Jean Cocteau à Créteil, les justes donnaient lieu à un spectacle de grande qualité. Des décors sobres, mais évocateurs, de Louis Tolel, une mise en scène d'une grande rigueur, parfaitement adaptée au climat de l'œuvre, signée Jean Negroni. Il est d'ailleurs réconfortant de voir qu'il existe encore des animateurs qui ont assez de personnalité pour s'affirmer sans avoir recours au clinquant des m'as-tu vu de la scène. Une interprétation convaincante, où chacun a su parfaitement typer son personnage physique, dans son aspect, son comportement, ses réactions. Quant à la sincérité, à la sensibilité et à la flamme des comédiens, vous allez pouvoir les goûter dans quelques instants. L'action se déroule en Russie, au temps des tsars. Un appartement, celui des terroristes. Une porte donne sur l'antichambre. Annenkov et Dora. On frappe à la porte du palier. C'est lui ? C'est lui, voilà Stepan. Quel bonheur. Stepan. Bonjour, Dora. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait, mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il nous a fallu changer d'appartement. Une fois de plus, je sais. Et là-bas, Stepan. Là-bas. Le bagne. On s'en évade. Oui, nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne, Boria. Ils sont libres, au moins. La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. J'étais libre. Et je ne cessais de penser à la Russie, à ses esclaves. Je suis heureux que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas ? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria. Et je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stepan. Nous sommes tous frères. Il faut une discipline. J'ai compris cela au bagne. Le Parti Socialiste Révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc. Et nous abattrons la tyrannie. Oh, si, et toi, Stepan, tu dois être fatigué après ce long voyage. Je ne suis jamais fatigué. Tout est-il prêt, Boria ? Depuis un mois, deux des nôtres étudient les déplacements du grand-duc. Dora a réuni le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée ? Oui. Toute la Russie saura que le grand-duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti Socialiste Révolutionnaire pour hâter la libération du peuple russe. La Cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stepan. Oui, tout est prêt, le moment approche. Que dois-je faire ? Et pour commencer, tu aideras Dora. Je vais dire que tu remplaces travailler avec elle. Il a été tué ? Oui. Comment ?

au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Dora, tu te souviens de ces vers, tu souris, comme je suis heureux. Nous perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, tu veux descendre? Oui. Et n'oublie pas le pourboire. Voïnov, Voïnov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphane. Les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que ça signifie pour moi? Non. La règle est la règle. Je ne la lance pas, moi. Mais je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi. Voïnov lance la deuxième. Toi. Pourquoi ça te surprend? Tu n'as pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on ne la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite. Personne ne l'a jamais lancée deux fois. Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Moi, j'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai. Comment peux-tu le croire? Et même si je devais trembler, je sais un moyen de tuer le grand-duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non, ce n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. Tu dois te préserver. L'organisation a besoin de toi. J'obéirai, Boria. Quel honneur. Quel honneur pour moi. J'en serai digne. Stéphane. Tu seras dans la rue pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons la signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Ah oui, je l'abattrai. Quel bonheur si c'est un succès. Mais le grand-duc, ce n'est rien, il faut frapper plus haut. D'abord le grand-duc. Oui, Boria, si c'est un échec, vois-tu, il nous faudra imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. On ne pense pas au suicide. Et à quoi donc? À la terreur, de nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane. Oui, je suis brutal. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer. Nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas, tu changes les signaux, tu aimes à jouer le rôle de colporteur, tu dis des vers, tu veux te lancer sous les pieds des chevaux et maintenant le suicide. Je n'ai pas confiance en toi. Mais tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie. Et la justice, qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents et nous aimer si nous le pouvons. Nous ne pouvons pas. Mais que fais-tu donc parmi nous? Je suis venu pour tuer un homme. Non pour l'aimer ni pour saluer sa différence. Mais tu ne le tueras pas seul, au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifié en une nuit et pour toujours il y a 3 ans au bagne et je ne supporterai pas. Assez! Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Un des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution du tyran, pour la libération du pays! Nous tous ensemble. Et rien ne peut nous séparer. Eh bien, Stéphane, nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien. Stéphane a souffert. Je lui parlerai. Il m'a offensé, Boria. Qu'y a-t-il? Rien. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés déjà.

Alors, mais oui. Oui, mon chéri. Oui, si tu le pensais, si c'était vrai. Oh oui, oui, je t'en supplie. Malgré l'agonie des enfants, malgré ce qu'on pense et ce qu'on fait à mort. Non, il faut bien au moins une fois laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora. Que tu m'appelles pour laisser ce monde empoisonné de justice. Et toi ? Mon cœur ne me parle que de toi. Mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure ? Ah oui, j'oubliais. Non, ne sois pas fâché, mon chéri. Je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus. Je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe dans la justice et les prisons. L'été, Yannick, tu te souviens? Non. C'est l'éternel hiver, nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Oh, pitié pour les justes. Oui, c'est la notre part, l'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Et alors il y aura une paix pour toi comme pour moi. La paix? Quand la trouverons-nous? Le lendemain. Yannick. Suite. Enfin. Enfin. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, Stéphane. Adieu, Dora. Non, pas adieu, au revoir. Au revoir, mon chéri. Nous nous retrouverons. Au revoir. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Avant de sortir, Kaliaïev se signe devant l'icône fixée au mur. J'avais tort, tu vois, de ne pas me fier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. Il s'est signé, tu as vu? Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a une âme religieuse, pourtant. C'est ça qui nous séparait. Je suis plus âpre que lui, je le sais bien. Pour nous qui ne croyons pas à Dieu, il faut toute la justice. Ou c'est le désespoir. Pour lui, la justice elle-même est désespérante. Oui. Une âme faible. Mais la main est forte. Il vaut mieux que son âme. Il le tuera, c'est sûr. C'est bien. Très bien, même. Détruire, c'est ce qu'il faut. Mais tu ne dis rien. Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons à peine assez de temps pour la justice. Oui, tu as raison. Il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble ensuite. Je ne les vois plus. sont arrivés. Ensuite? Nous nous aimerons. Si nous sommes là. D'autres s'aimeront. Ça revient au même. Stéphane, dis la haine. Comment? Et ces deux mots, la haine, prononce-les. La haine. Yannick les prononçait très mal. Je comprends. Tu me méprises. Mais es-tu sûr d'avoir raison pourtant? Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour. Mais moi je n'aime rien et je hais. Oui, je hais mes semblables. Qu'ai-je à faire avec leur amour? Je l'ai connu au bagne il y a 3 ans. Et depuis 3 ans je le porte sur moi. Et tu voudrais que je m'attendrisse? Et que je traîne la bombe comme une croix? Non! Non, je suis allé trop loin, je sais trop de choses. Tiens, regarde. Ce sont les marques. Les marques de leur amour. Me méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi, Dora. Peut-être reste la fatigue. Les années de lutte, l'angoisse, les mouchards, le bagne. Et pour finir, ceci. Où trouverai-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr, ça vaut mieux que de ne rien sentir. Oui, cela vaut mieux. Le grand-duc va passer. S'il est seul. Borian n'a pas lancé sa bombe. Yannick a réussi. Réussi. Hop. Au choix. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons tué. C'est moi. Qui a voulu tuer Yannick? Le grand-duc. La prison. Une cellule fermée par une grille. Yannick s'y trouve. Un gardien fait entrer un vieux prisonnier qui porte un seau. Nettoie. Comment t'appelles-tu, frère? Foca. Tu es condamné? Il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim? Moins haut. Comment? Moins haut. Je vous laisse parler maintenant la consigne. Alors parle-moi haut. Limite le vieux. Tu avais faim? Non, j'avais soif. Et alors? Alors il y avait une hache, j'ai tout démoli. Paraît que j'en ai tué 3. Marie, tu m'appelles plus frère. T'es refroidi. Non, j'ai tué moi aussi. Combien? Je te le dirai, frère, si tu veux. Mais dis-moi, tu regrettes ce que tu as fait, n'est-ce pas? Bien sûr. 20 ans, c'est cher, ça laisse des regrets. 20 ans. J'entre ici à 23 ans et j'en ressors les cheveux gris. Ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a des hauts, des bas, ça dépend s'il est marié. Et avec qui? Et puis tu es barré. C'est pas le même tarif que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Je ne crois pas. Et je ne le veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte. La honte? Pendant 20 ans. Quelle honte? Ce sont des idées de barré. T'en as tué combien? Un seul. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rien, ça. J'ai tué le grand-duc Serge. Le grand-duc? Comme t'y vas. Voyez-vous ces barines? Mais c'est grave, ça, dis-moi. C'est grave. Mais il le fallait. Pourquoi? Tu vivais à la cour? Une histoire de femme, hein? Bien fait comme tu l'es. Je suis socialiste! Moi, oh. Je suis socialiste révolutionnaire! Oh, quelle histoire! Qu'avais-tu besoin d'être comme tu dis? Il t'avait qu'à rester tranquille, tout allait pour le mieux pour toi. La terre est faite pour les barines. Non. Elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Oui et non. Libre ou pas, c'est jamais bon de boire un coup de trop. Non. Ce n'est jamais bon. Seulement, on boit parce qu'on est humilié. Un jour viendra où il ne sera plus utile de boire, où plus personne n'aura de honte, ni barine, ni pauvre diable. Ce jour-là, nous serons tous frères, et la justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle? Oui. C'est le royaume de Dieu! Moi, oh. Il ne faut pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien pour nous. La justice est notre affaire. Tu ne comprends pas? Connais-tu la légende de Saint-Dimitri? Non. Il avait rendez-vous dans la steppe avec Dieu lui-même. Il se hâtait lorsqu'en chemin il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Alors Saint-Dimitri l'aida. La boue était épaisse, la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant une heure. Quand ce fut fini, Saint-Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu n'était plus là. Et alors? Alors, il y a ceux qui arriveront toujours en retard au rendez-vous. Parce qu'il y aura trop de charrettes embourbées, trop de frères à secourir. Qu'y a-t-il? Moi, oh. Et toi, Dieu, dépêche-toi. Y a rien, je me méfie. Tout ça, c'est pas normal. On n'a pas idée de se faire mettre en prison pour des histoires de saints et de charrettes. Et puis, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui tuent les grands ducs? On les pend. Ah. Reste! Que t'ai-je fait? Oh, moi, tu m'as rien fait. Et tout barine que t'es cependant, je vais pas te tromper.

s'aime dans la douleur, sans pouvoir s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur. Ne peut-on alors imaginer qu'une même corde unisse ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres, ne vous en avez jamais permis d'autres. J'aimais aussi celui que vous avez tué. Je l'avais compris. C'est pour cela que je vous pardonne, à vous et aux vôtres, le mal que vous m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Mais je suis venu ici pour vous ramener à Dieu. Maintenant, j'en suis sûr. Vous voulez vous juger et vous sauver seul. Vous ne le pouvez pas. Dieu le pourra, si vous vivez. Je demanderai votre grâce. Je vous en supplie. Ne le faites pas. Laissez-moi mourir ou je vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non. Non, je vous le défends. J'avais besoin de vous. Vous m'en voyez ravi. Pourquoi ? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Thomas, je venais chercher ma réponse. Eh bien, vous l'avez maintenant. Non, je n'ai pas encore. Écoutez bien. J'ai facilité cette entrevue avec la Grande Duchesse pour pouvoir demain en publier la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Il consignera l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour vous décider. Ils ne le croiront pas. Pourquoi ? N'ont-ils jamais péché ? Vous ne connaissez pas leur amour. Non. Mais je sais qu'on ne peut pas croire à la fraternité toute une nuit sans une seule minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas. Je suis patient. Dans l'appartement, une semaine plus tard, Annenkov et Dora qui marchent de long en large. Repose-toi, Dora. J'ai froid. Viens t'étendre ici, couvre-toi. La nuit est longue. Orlov dit que ce pourrait être pour cette nuit. Tous les sous-officiers de service qui ne sont pas convoqués, c'est ainsi qu'il sera présent. Où les rencontres-tu ? Nous attendra Vrinov et moi au restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Boria. Rien n'est perdu, la décision dépend du tsar. La décision dépendra du tsar si Yannek a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Pourquoi aurait-il vu la Grande Duchesse si ce n'est pour sa grâce ? Elle a fait dire partout qu'elle s'était repentie. Comment savoir la vérité ? Nous savons ce qu'il a dit devant le tribunal et ce qu'il nous a écrit. Yannek n'a-t-il pas dit qu'il regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour la jeter comme un défi à l'autocratie ?